Je n'étais plus grand chose, et maintenant je ne suis plus rien. Je n'étais plus grand chose, et désormais je ne suis plus rien. Elle t'anéantit, elle te détruit jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que tu ne puisses plus vivre, jusqu'à ce que tu aies le dégoût de toi. Elles sont la pourriture, elles te t'anéantissent. C'est là. C'est le soi-disant amour qu'on a cru un jour. C'est le soi-disant amour qui punit. C'est le soi-disant amour, mon soi-disant un jour. L'esclave de ses seins, l'esclave de son sexe, amitié sincère, mais définitivement brisée. L'esclave de son sexe, l'esclave, et tu te puniras un jour d'avoir compris ça, mais... Le problème, c'est qu'il faudrait castrer pour ne plus avoir envie et là de maîtriser enfin le destin de ces êtres infâmes qui te détruisent, qui elles savent, peuvent te manipuler jusqu'à ta destruction finale. Et toi, ce que t'attends, toujours ça, le sexe. Alors tu ferais tout, jusqu'à, je sais pas, mais jusqu'à te détruire. Et pour remonter la pente, pour ressortir de ce gouffre, jamais t'y arrives. Faudrait là une hache, mettre les couilles à plat, et couper tout ça, couper, et jeter au rat. Plus avoir ce problème de couilles, qui des fois te fait payer, qui des fois te fait... qui te défait l'esprit jusqu'à ne plus savoir où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, où est le destin, où est la route, le chemin, là où tu ne sais plus, tu sais plus, t'as perdu tout, t'as perdu ton temps à attendre. Au final, au final, rien de plus. l'esprit troublé, l'esprit en déroute, l'esprit dévasté, le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus, plus du tout. Et t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu, tu sais plus. Les hommes qui aiment les autres hommes, les hommes qui aiment les autres hommes, là c'est sûr que là au moins ils ont trouvé comment pallier à ce bordel infâme. Ce bordel infâme. Ha ha ha.